back to the future. K double napalm. Le fruit de tes entrailles, je témoigne sur un champ de ruines, comme un épouvantail qui éloigne les anges du deal. Mama, je vis pas, je meurs pas. S'il te plaît, prie pour moi, ne pleure pas. Je passe beaucoup de temps sur un grand nombre de petites choses et tu vois que les heures passent. Tu m'as dit reste près de la cour avant de racailler. J'ai tété, fils, où tu vas finir dans un four à détailler de la CC. Moi, je n'ai jamais écouté le prof. Moi, je n'ai jamais fait mes devoirs. Mama, et si la police me coffre, c'est que t'as eu un bébé noir. J'ai juré d'être hardcore jusqu'à ma mort. Tu m'as dit petit, tu as tort. Le monde est rempli de choses que tu ignores. Très souvent les armes y sont, mais le tueur n'y est pas. Trop souvent les larmes y sont, mais le cœur n'y est pas. J'ai ma famille, pas d'amis, des ennemis. Et cette mélodie, moi j'ai que ma famille, pas d'amis dans cette chaîne de vie. Des ennuis, des ennemis. Et cette mélodie. Mes cicatrices m'ont ouvert l'âme. Je n'ai pas d'attache entre le ciel et les flammes. Mes démons jouent à cache-cache. Si je devais choisir entre tout ce bif et toutes ces bitches, je prendrais le gros chèque. Parce que l'oseille est la plus bonne des schnecks. Et je suis fait d'or noir comme le pétrole. Les lumières de la ville sont mes lucioles. Sur tous les terrains comme le pâtrole. Peu m'importe tant que je fais le pactole. On s'étiole dans les derniers degrés de l'alcool. Rêvant de Cap Canaveral, de Blanche, de Panama. Avec mes rats dans le Panamera. Et je ne sais faire que le bandit. À des années-lumière de Gandhi. Je suis dans ma sphère, tandis que l'univers grandit. J'écrase tous les remparts. Sombre ma vérité sans phare. Du rap français je m'empare. 93 et sur l'étendard. Ma famille, pas d'amis, des ennemis. Et cette mélodie, moi je n'ai que ma famille. Pas d'amis dans cette chaîne de vie. Des ennuis, des ennemis.